Je suis toute oui, toute relaxe pour entendre Raymond Poirier, qui est de l'Institut Technologie de l'Information et Société de l'Université Laval, et il est là pour nous en parler. Bonjour Raymond. Bonjour Tania, ça va? Ça va bien, toi? Mais ça va très bien, ça va très bien. On profite du congé Pascal, en fait, pour se poser quelques questions sur l'éducation et sur l'impact des technologies de l'information et des communications dans la sphère de l'éducation. On en avait parlé un peu brièvement au dernier budget. On se rappelle le gouvernement qui disait, regardez, il faut mettre des tableaux numériques, il faut donner plus d'accès informatique aux étudiants, étudiantes. Et nécessairement, depuis là, ben, c'est des orientations qui sont arrivées et qui était probablement déjà présente, on se le cachera pas aussi, au sein des différentes instances réflectives dans le milieu de l'éducation du Québec. Et notamment, en fait, ma chronique d'aujourd'hui va être inspirée un peu du bloc du récit, en fait. C'est l'organisme qui développe programmes et activités pédagogiques pour le ministère de l'Éducation du Québec. Et ce qu'ils disent, eux, c'est que depuis l'automne dernier, ils sont effectivement en réflexion sur l'intégration de ce qu'on appellera les TIC, donc les technologies de l'information, au sein de l'éducation, en partant du principe que, selon eux, l'exploitation pédagogique de ces technologies présente des effets positifs sur la réussite scolaire, que le recours aux technologies de l'information dans une société du savoir et dans la société de demain est devenu courant dans la vie de tous les jours comme dans le marché du travail. Et donc, qu'en sens, si on ne travaille pas pour les intégrer au sein de l'éducation, eh bien, il va y avoir une césure, une rupture entre la société normale, le marché du travail et le milieu de l'éducation. Donc, les jeunes ne seront plus nécessairement préparés aux nouvelles réalités qui sont déjà présentes autant dans leur vie que sur le marché du travail, finalement. Ah oui, parce qu'on s'entend que c'est pas la même réalité pour les jeunes aujourd'hui que même nous, quand on était jeunes, que ceux d'une cinquantaine d'années avaient quand ils étaient jeunes. Et on ne rentre pas là-dedans non plus dans la nécessité d'une mise à niveau des enseignants pour qu'ils saisissent justement ce langage. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas non plus facile à bien appréhender. Donc ça c'est certain. Et je sais pas si c'est un des points que tu vas apporter, mais je sais que les jeunes, bon, on dit sont nés avec la technologie dans les mains, mais dans le milieu défavorisé, on n'a peut-être pas un cellulaire intelligent, on n'a peut-être pas un ordinateur à la maison, donc ces personnes-là aussi vont arriver sur le marché du travail et auront l'obligation de s'en servir, mais ils n'ont peut-être jamais eu le contact, ou du moins que les autres. Et ce que dit le récit à ce titre-là, Tania, c'est que chaque élève doit avoir accès aux technologies de l'information en tout temps pour apprendre. Une multitude d'outils, une multitude de façons de faire, doit avoir accès à cette technologie-là en tant qu'apprentissage, en tant qu'évaluation, en tant qu'aide à l'apprentissage également, et que le choix également de l'outil technologique revient autant à l'apprenant qu'à ses pédagogues. Et à ce titre, en fait, il y a quand même plusieurs exemples, parce qu'on pense aussi, bon, d'emblée, téléphone intelligent, médias sociaux et le reste, quand on parle technologie de l'information, mais ça peut changer aussi l'accès même à l'information ou à certains spécialistes. Je donne un exemple, il y a un organisme qui s'appelle Skype in the Classroom, un service gratuit qui est destiné aux professeurs et aux élèves pour communiquer entre eux, échanger entre classes, entre pratiques, entre experts, donc de dire, ben, la technologie Skype est là, elle existe, pourquoi ne pas l'utiliser pour créer des liens entre différents enseignants, créer des liens entre différentes classes, parce que on le sait, bon, il y a notre école, il y a le milieu provincial, mais c'est intéressant d'aller voir aussi ce que les autres font. Et d'échanger entre pédagogues, justement, aussi peut être intéressant. Il y a à peu près 10 000 professeurs présentement qui sont inscrits à ce programme-là. Et parallèlement, Skype peut aussi amener une certaine expertise d'un lieu à un autre. Et déjà, exemple, en Inde, dans un village qui s'appelle Chamanpura, un village qui est à 970 km de New Delhi, donc ils n'ont pas nécessairement accès à certains types de spécialistes, il y avait difficulté pour aller chercher un professeur de mathématiques. Et donc, via Skype, à chaque semaine, eh ben, le professeur s'installe devant sa caméra avec son système de classe virtuelle et donne son cours à des étudiants qui sont à 1000 kilomètres de lui. Ils peuvent communiquer verbalement, ils peuvent communiquer en utilisant les médias sociaux également, le chat notamment, et via justement des éléments placés en réseau, peuvent avoir accès aux documents en même temps que le professeur les présente. Alors, donc, on est rendu à ce type de possibilité-là au niveau de l'enseignement également. également. Donc, c'est assez intéressant. C'est fou, ouais. Et effectivement, je veux dire, il peut avoir des freins importants pour déplacer certains spécialistes. Ici, au Québec, il y a des communautés qui sont reculées. Des fois, on se dit, ben, comment on peut aller chercher certains professeurs, s'assurer qu'ils ont un cursus intégral? Ben, pourquoi pas, justement, à place de la vidéoconférence, ben, le vidéocours? C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir les professeurs sur place, mais faute de personnes, si on a la technologie pour au moins donner un coup de pouce, faudrait pas que ce soit tout le temps remplacé par Skype, justement, avoir le vidéocours, tu sais, on va l'appeler comme ça. Mais quand on n'a pas le choix, ben pourquoi pas s'en servir? Ça, je suis certain que les gens préféraient avoir un ou deux cours via Skype que de voir une école fermée. S'il n'y a pas assez d'étudiants pour maintenir un groupe d'enseignants adéquat. Là. Ah oui, ben oui. Et parallèlement, ça, c'est une utilisation, mais il y a l'autre aussi, peut-être plus évidente, d'emblée, c'est la question de l'actualité, par exemple, donc de vraiment accrocher l'enseignement à ce qui se passe au quotidien. Un exemple sur lequel je suis tombé via un webzine qui s'appelle l'Infobourg, où essentiellement, eux, exemple, ont utilisé le tremblement de terre au Japon, et ils se sont mis en temps réel sur les fils Twitter, et parallèlement, ben, ils ont greffé à ça pendant le cours de sciences naturelles pour aller comprendre les tremblements de terre, donc aller chercher de l'information sur le web, la comparer, essayer de voir quelle information était viable, valide, essayer de géolocaliser aussi les différents tweets qui se passaient pour comprendre la toponymie du Japon, la géographie du Japon, pour comprendre les plaques sismiques, quelle plaque s'est déplacée, le reste. Donc c'est devenu une matière pour le cours, et c'est un cours que eux ont choisi de bâtir carrément en temps réel, donc en fonction justement de ce qui se passait sur les fils sociaux, sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on dit, c'est que des exemples comme ça peuvent être utilisés un peu dans tous les domaines. Oui, autant dans l'activité courante que dans l'activité historique également, parce que c'est pas parce que c'est technologique qu'on fait une scission avec le passé, avec l'histoire. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je suis tombé il y a pas très très longtemps sur une création de Tom Barrett. C'est disponible en Creative Commons, c'est une projection PowerPoint qui propose une vingtaine de manières d'utiliser, exemple, Twitter en classe d'histoire et en classe de géographie dans le contexte d'enseignement actuel. Si les gens veulent la trouver, elle est dans l'une des revues de presse de l'ITIS, d'ailleurs au www.itis.ulaval.ca. Je donne quelques exemples, notamment. On sait que la difficulté de Twitter, c'est de circonscrire une réalité en environ 140 caractères. Pas facile. Et ce qu'un professeur dit, ben moi, c'est ce que je leur fais faire, c'est d'essayer de faire le fil Twitter d'un personnage historique. Donc, leur travail, c'est de créer un fil, exemple de Thomas Edison, exemple de, au Québec, ça pourrait être René Lévesque, ça pourrait être Monsieur McDonald, Johnny McDonald, ça pourrait être... Qu'est-ce que Champlain aurait tweeté? Que Jacques Cartier aurait tweeté? Et donc, de monter un fil Twitter d'un certain nombre de statuts. On peut faire la même chose avec Facebook, remarquez. Et parallèlement aussi, d'essayer de mettre en relation, une fois qu'on a monté les personnages Twitter, ben de mettre ces personnages-là en relation les uns avec les autres. Quelle conversation auraient eu Champlain et Jacques Cartier? Qu'est-ce qu'il aurait retweeté? Et toujours avec cette idée du 140 caractères. Donc, ça force à la breveté, ça force aussi à bien circonscrire, choisir ces informations. Parce qu'on en parlait il y a quelques semaines, faire bref, c'est parfois aussi difficile que faire long, du moins bien faire l'un et l'autre. Alors, voilà une idée que j'ai trouvée extrêmement intéressante. On peut, par ailleurs, faire la même chose pour raconter une histoire. Exemple, dans un cours de création littéraire, vous démarrez avec Twitter. En plus, on peut faire ce qu'on appelle des hashtags. Donc, qui viennent mettre ensuite dans un même sujet, dans une même thématique, l'ensemble des propos qui ont été faits avec ce caractère-là. Enfin, on met un dièse avant un terme, et c'est ce qu'on appelle donc le hashtag. Et il y a des profs de création littéraire qui disent, ben moi, ce que je fais faire à mes étudiants, c'est un cadavre exquis, mais avec Twitter. Donc, chacun, tour à tour de rôle, tweet leur phrase en spécifiant à la fin le hashtag. Et au final, ça crée un récit, donc d'une suite de une vingtaine de petites phrases de 140 caractères ou moins qui viennent composer cette histoire-là. Il y en a d'autres qui en profitent pour faire débattre leurs étudiants, mais après les cours, exemple, on donne un devoir et bon, si c'est un cours de mathématiques par exemple, ben on met le nom du cours avec quelques chiffres par exemple, on dit aux étudiants ben faites votre devoir et placez vos réflexions face à votre travail sur Twitter en utilisant ce tag-là, et vous pourrez rentrer en dialogue avec d'autres étudiants, avec le professeur ou avec des parents, et donc essayer de mettre de l'avant qu'est-ce que vous avez aimé du devoir, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, quels ont été les éléments que vous avez trouvés plus difficiles et en discuter en dehors des cours, donc pour que la communauté scolaire, entre guillemets, se poursuivre aussi à la maison, mais dans un cadre peut-être un peu plus ordonné, dans la mesure où, justement, l'enseignant, si c'est pas le soir même, mais ça peut être le surlendemain ou un peu plus tard, ou le matin en arrivant à l'école, ben il va voir un peu, justement, ce sujet-là, peut décider d'intervenir sur certains points, donc il y a une supervision qui est faite, donc ça peut être effectivement intéressant, et même, il y en a qui poussent l'idée un peu plus loin en disant, ben, si on est pris avec le fait que les étudiants textent en classe et qu'on n'est pas vraiment en mesure de les limiter adéquatement dans ce fil-là, ben, est-ce qu'il y a possibilité même de laisser leurs parents suivre le fil de la classe, le fil d'information du cours et des étudiants, justement, pour renverser un peu la notion de supervision? Alors, il y a quand même beaucoup de possibilités. On les envisage autant au niveau primaire, secondaire, collégial qu'universitaire. Et de manière générale, en terminant, je suis tombé sur un rapport récemment de Deloitte, qui est également disponible sur notre site web, qui met l'avant justement sur les différents défis de l'éducation supérieure, d'éducation post-collégiale, et la question des mises à jour informatiques est ciblée, c'est le numéro 4 dans leur priorité, en disant, regardez, on peut pas justement développer une éducation de haut niveau si on n'a pas les moyens techniques qui sont équivalents au contexte social actuel et des gens qui sont en mesure également de bien comprendre et de bien intégrer ces processus-là en l'intérieur du système d'éducation. Donc oui, il y a une réalité technique, donc d'avoir les structures, mais il y a une réalité aussi pédagogique, donc de savoir comment l'utiliser. Et en voyant un peu bon l'exemple du PowerPoint dont je parlais tout à l'heure, qui est partagé, qui est libre de droit, que tout le monde peut utiliser, modifier, améliorer, eh ben reste que il y a des manières d'échanger des idées qui sont déjà sur Internet. Il y a le récit qui a lancé un appel à des enseignants au Québec pour réfléchir sur la question. Il y a Skype in the Classroom qui regroupe déjà 10 000 enseignants qui pourraient en avoir plus également. Donc tranquillement, on sent que le milieu de l'éducation s'organise pour bien mener cette réflexion-là, mais que déjà aussi, il y a des idées qui sont extrêmement intéressantes, à mon sens, sur la table. Je le rappelle, si les gens veulent mettre la main sur le PowerPoint ou sur l'étude de Deloitte, donc c'est dans les revues de presse des trois dernières semaines que vous trouvez sur le site de l'ITIS, donc itis.ulaval.ca. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir.